L'actualité à Nancy et ailleurs. Elements, c'est une nouvelle exposition qui sera visible du 24 février au 28 avril à la Maison du département du territoire du Grand Nancy. C'est 67 rue Émile Bertin à Nancy. Elements, c'est l'œuvre de l'artiste Laglo qui est en studio aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Fayette pour en parler de cette exposition. C'est pas la première fois que vous exposez? Non, c'est pas la première fois. Malgré tout, je n'ai fait que des expos privées. J'avais pas mal d'expos, en fait. Malheureusement, je me suis lancé au mauvais timing. Je me suis lancé, en fait, début janvier 2020. Donc, j'ai eu le temps de faire une expo en janvier à la mairie de Nancy. Ça, c'était chouette. Malheureusement, tout le reste a été annulé. Hein. On reprend le train en route. Voilà. Le temps de bien préparer, du coup, cette exposition qui Exactement. Sera à la maison du département, donc à partir du 24 février. Parlons un peu de cette exposition. Elle s'appelle Elements. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Le principe, c'était de travailler sur des éléments de l'ordre du microscopique et du macroscopique. Et le but du jeu était de trouver une résonance, quelles sont la place de ces toutes petites choses auxquelles on ne prête pas beaucoup attention, voire pas du tout. Et donc l'interaction que l'homme a avec ces différents éléments. C'est pas des photos, c'est de la peinture. Hein, exactement, c'est de la peinture. Sur quel support ça va être présenté? La peinture, ça va être acrylique, spray, stylo acrylique, stylo à encre, ce genre de choses. Le support, j'ai eu envie de sortir des sentiers battus et de partir sur autre chose que des simples toiles canevas habituelles. Et du coup, de partir sur du bois, en fait, qui est un matériau que j'estime très noble et qui fait partie du monde de ces tout petits éléments, du monde du vivant, en fait. Donc le support va aussi se rattacher au thème que vous abordez dans cette exposition. Exactement. Le support est toujours très très important pour moi et j'ai toujours besoin qu'il y ait une partie même du support qui reste visuelle dans l'œuvre, en fait, pour rendre hommage à ce support, quoi. Alors pourquoi cette thématique justement du microscopique, du macroscopique? Alors sur le côté général, en fait, je dirais que ma réflexion, elle rentre dans une démarche d'intérêt global autour de l'être humain. Que ça aille vraiment des plus petits éléments, comme je le disais, de ce qui est microscopique, comme les plus grands éléments de l'ordre d'une galaxie ou d'un filament galactique. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est documentaire, articles scientifiques, ce genre de choses, et j'aime beaucoup baser mes réflexions par rapport à ce genre de choses. Donc l'exposition, on peut l'avoir jusqu'au 28 avril. Comment c'est venu justement de faire cette exposition à la maison du département du territoire du Grand Nancy? C'est venu tout simplement d'une opportunité que j'ai eue d'un contact qui m'a proposé de postuler. Et en l'occurrence, voilà, donc c'est les gens de la maison du département qui choisissent l'artiste qui va exposer. Je ne sais plus combien il y avait de candidats et donc ils ont eu de l'intérêt pour mon travail et ils m'ont choisi. Donc on aura combien d'œuvres visibles sur place? Si je ne m'abuse, 19 pour être tout à fait exact. Voilà, donc on aura l'occasion de découvrir. Il y aura bien sûr un vernissage le 24 février. Vous avez dit aussi que jusque-là, vous aviez juste exposé, mais dans des cadres privés. Là, ce sera public. Exactement. Qu'est-ce que vous attendez de cette confrontation, si on peut dire, à l'œil de personnes que vous ne connaissez pas? Ce que j'y attends, c'est justement, comme vous le dites, de me confronter à un monde complètement public, d'échanger. Je trouve que c'est très, très important. C'est vraiment quelque chose de collégial, hein. Donc le but du jeu, c'est moi d'apprendre des autres et de partager aussi ce que moi j'ai appris en faisant ces œuvres. Vous serez présent, bien sûr, au vernissage le 24 février, ce sera à 17h. Vous serez présent aussi à d'autres occasions lors de l'exposition? Oui, c'est en train de se formaliser, ouais. Qu'il y aurait des visites guidées. Voilà, des temps où vous serez présent pour justement Exactement. Échanger avec les visiteurs. Hein. Exactement. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez déjà d'autres peintures en route, d'autres séries, une autre exposition en prévision? Il y a d'autres séries en cours qui sont pas du tout sur la même thématique. Une qui est sur la musique, par exemple, et une qui est sur la religion de façon générale. Il y a d'autres expos, je suis en train de voir pour exposer cette exposition et d'autres expositions ailleurs, bien évidemment. Pour revenir sur quelque chose de plus personnel, parce que bien sûr, c'est très personnel d'exposer ces œuvres-là. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes devant votre toile? C'est quelque chose de très particulier, en fait, parce que même toute la réflexion qu'il y a avant, le fait de faire des croquis, de ne pas être sûr. Je suis quelqu'un d'assez pointilleux, méticuleux, donc j'aime bien faire des croquis avant et de voir, de réfléchir. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça ne me va pas? Est-ce que l'idée est mise en lumière ou pas? C'est très particulier. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions, et il y a certains moments très intenses où on a le déclic. physique et on sait à quel endroit va se trouver telle ou telle chose. Voilà. Et par rapport au retour que vous avez déjà eu justement de visiteurs, que vous connaissiez ou pas, leurs sentiments, est-ce que ça rejoint vous ce que vous vouliez faire passer à travers vos œuvres ? Ouais, je pense plutôt, ouais. À beaucoup de niveaux, et notamment au niveau du côté intéressant du support décalé avec l'art abstrait qui va par-dessus, et une espèce de symbiose entre le visuel et le support. Alors, je crois avoir vu aussi qu'en dehors de cette exposition, vous faites aussi des ateliers. Exactement, exactement. Je fais notamment un atelier d'art plastique pour les enfants à la MJC Jean Savine de Clairlieu, sur Villers-les-Nancy. Et ce côté, justement, bien partager votre passion pour les arts plastiques et la peinture. Et c'est pareil, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment une symbiose, en fait. Notamment dû au fait aussi que c'est des enfants, il y a cette espèce de candeur, de naïveté et de non-filtre. Ils n'hésitent pas à poser des questions, quelle que soit la question. Ils sont très, très intéressés, très, très curieux. C'est vraiment marrant de discuter avec eux parce qu'on n'a pas la même approche et le même résultat qu'avec les adultes, en fait. Il y a vraiment un côté lâcher prise qu'on a tendance à perdre avec l'actualité du quotidien, du travail et autres, voilà. Voilà, donc ça c'est pour les ateliers avec les enfants. Alors on peut bien sûr inviter les auditeurs à découvrir votre travail, notamment déjà parce que vous avez une page Facebook, elle s'appelle comment ? Exactement, l'Aglo Colors. Donc l'Aglo Colors, ça c'est sur Facebook, et bien sûr vous voir en vrai le 24 février à 17h à la maison du département du territoire du Grand Nancy, c'est 67 rue Émile Bertin à Nancy, ce sera à 17h donc le vernissage, et l'exposition est visible jusqu'au 28 avril. Un dernier mot peut-être ? Merci pour l'invitation, j'espère que les œuvres plairont aux gens qui iront les voir, et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, même à passer par le Facebook, voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Merci l'Aglo. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.